Soyez les bienvenus. Qui se souvienne encore Wangapi wanamkumbuka tena de frère Jacques Baïzire. Est-ce que l'église de Kambo vit dans la joie de recevoir et de saluer l'homme de Dieu Baïzire au nom de Jésus-Christ? Nous vous saluons cet après-midi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Oui, ça fait environ 7 ans que je suis passé par ici. Et je trouve que chaque chose a changé. Et je peux seulement dire gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas aussi manquer de ne pas jeter des fleurs sur l'église. Jeter des fleurs sur l'église. Amen. Et aussi au conseil de votre sacrifice. Vous savez, ce n'est pas facile de prendre de l'argent et le confier à Dieu. Ça, l'homme n'a pas ce pouvoir-là. L'homme, il est né cupide. Il est né avare. Et il est égoïste. Maintenant, quand vous voyez l'homme prendre cet argent-là à laquelle il est très attaché et confier cela à Dieu, le faire ça pour l'œuvre de Dieu, sache que c'est l'œuvre de Dieu au travers de ses hommes. Et nous saluons cette œuvre de Dieu dans chaque frère, chaque sœur de Kambove au nom de Jésus-Christ. Frère Branham aimait souvent dire ceci. Ce qu'un homme pense de toi, il te l'exprime par les actes. Par les paroles. Pas les paroles, mais les actes. Puisque les actes expriment réellement ce que tu penses de la chose. Et ça, c'est parmi les œuvres de la piété. Ce que vous pensiez de Dieu, vous l'avez matérialisé en donnant tout ce que vous avez pour lui construire un tabernacle. Et que Dieu vous bénisse pour ça. Et que Dieu bénisse les serviteurs aussi qui ont tout fait pour que cela se réalise. Amen. Amen. Vous voyez, oui, je suis ici jusqu'à dimanche. Nous avons essayé un peu de discuter avec le frère Ekaka. Il a désiré qu'on puisse se voir lundi matin. Il prépare un voyage pour aller à Goma. On va voir comment le pasteur va organiser les choses. Mais je suis heureux de voir que j'ai mes 4 jours full avec vous. Ainsi, je pourrai parler calmement et aisément sur ce sujet. Nous allons parler sur un sujet intitulé « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu ». Tout à fait, ou la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Voilà, kasirani ya mutu aitimizaki mapenzi ya Mungu. Avant qu'on puisse entrer dans le sujet, bila kuingia mupana ya shina, je viens de Kinshasa. Mimi natokea Kinshasa. Je viens de Matadi. Natokea Matadi. De Maindombe. Maindombe. Tous les frères partout où je suis passé, ils m'ont chargé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Avant de venir ici, le frère Philippe, avant de venir de sortir de la maison jusqu'ici, le frère Philippe, le frère Léonard Saint-Abire, ils m'ont chargé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Et ici au Katanga, je suis passé par beaucoup d'ensembles. Toutes ces assemblées m'ont chargé de vous transmettre leurs salutations. Et en particulier le frère Aaron Kiungu de Luambo, il m'a demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. On pourra lire dans le livre de Jacques. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jacques chapitre 1, le verset 19. Sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ, amen. On peut s'asseoir. Oui, nous allons parler tout ce temps sur ce sujet intitulé « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu ». Si vous avez bien lu l'épître de Jacques, le verset 19, vous verrez que c'est un sujet qui concerne ceux qui sont devenus frères et sœurs en Christ. Tano kwamba imambo inangalia wale wanakuwa sasa wanduku na wadada katika jina la Yesu Kristo. Ici l'apôtre Jacques s'adressait à ceux qui ont déjà reçu le salut. Hapa ya mtume Paulo anaanza kusema na wale walishakuwa shapokeaka wokovu. Je ne t'écoute pas. Alors Dieu, pale Mungu, il a ses enfants. Eko na batoto yake. Et les enfants de Dieu sont engendrés par la parole de vérité. Na batoto ya Mungu banazalishwa na neno la ukweli. Amen. Amen. Comme nos parents nous ont engendrés dans la chair, paka vile wazazi watuzala katika mwili, selon les liens biologiques, fatana na mapatano mwili, par les liens du père et de la mère, kupitia kupatana kwa mama na baba, ainsi aussi Dieu, vile vile Mungu, par la parole, kupitia neno, il engendre ses enfants. Eko nazalisha watoto yake. Amen. Amen. Comme l'engendrement biologique mwili, du père et de la mère kwa baba na nous mama, a amené à l'existence kuwako, et que par ce moyen là nous avons hérité des faiblesses par le lien de la chair ya mwili, et aussi par l'engendrement spirituel na vile vile mukiro, nous sommes aussi connectés à celui qui nous a engendré et participant de sa nature na kwa asili yake, par le lien spirituel. Ya kiroho. Amen. Amen. Nos parents wazazi yetu, nous ont amenés à l'existence tupate kuwako, par le lien de la chair. Kupitia mwili, Il y avait déjà la chute. Et nous étions vendus au péché. On vivait de l'eau comme du péché. Le péché comme de l'eau. Nous étions même vendus au péché. Nous étions le produit du péché. Amen. Amen. Que tu sois honnête, que tu sois bon, que tu sois de la race blanche ou pas jaune, ainsi de suite. Qui es animé, qui est dans le péché. Que tu sois bourré de diplômes universitaires. Que tu sois ici de la famille noble. De famille de rois. Qui est un pécheur. Amen. Amen. Qu'on te prenne ou qu'on te mette au couvent. Loin de la proximité des humains. Pour dire que c'est là où tu es loin du péché. Non, c'est un pécheur qu'on a éloigné des gens et on l'a mis au couvent. Le couvent ne change rien de ton état de pécheur. Alléluia. Amen. C'est pour cela Dieu dans sa bonté. Il a jugé bon de sauver l'homme. Amen. Le salut, c'est la solution de Dieu au péché. Amen. Amen. Et maintenant ici, l'apôtre Jacques nous dit, ne vous y trompez pas, frère. Bien-aimé. L'apôtre Jacques, il nous interpelle de ne pas être séduit. Si nous allons dans le livre de Jérémie, là on nous parle de la séduction. Et Jérémie dit ceci, le cœur de l'homme est séducteur. Amen. Amen. C'est toi-même qui te comportes en séducteur. Toi, mon frère, toi, ma soeur, moi-même, nous avons nos cœurs à nous. Il est séducteur. Il te trompe. C'est le cœur que tu portes. Amen. C'est pour cela qu'il est écrit. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Amen. Amen. Bien qu'elle soit une bonne sagesse que tu as reçue chez les sages, par les grands professeurs, par de beaux parents, cette sagesse-là, elle est charnelle, elle est terrestre. Amen. Amen. Mais la sagesse à laquelle il faut s'appuyer, c'est la sagesse qui émane de la parole de Dieu. Alors, ton cœur là, qui est ce dicteur? Ton cœur là, qui te dit que tu es dans les bons et pourtant c'est le mal. Puisque tout ce que la parole de Dieu déclare mal, il demeurera toujours mal. Même si les hommes sur la terre disent non, ça c'est bon. Alors il ne faut pas s'appuyer sur ce que ton cœur te dit. Il faut s'appuyer sur ce que la parole de Dieu dit à ton cœur. Et en exploitant ces sujets, réfléchissons toujours avec la parole de Dieu. Si vous voulez vaincre Satan, sache qu'il est plus malin que toi. Et il est plus religieux que toi. Puisque la Bible nous dit que même ses serviteurs, ses anges, se déguisent en anges de lumière. Amen. Amen. Alors, si tu n'as pas la parole de Dieu, comme étalon de mesure, comme arme, comme outil dans le combat avec Satan, vous êtes déjà parti vaincu. Toi tu ne paies rien et moi je ne paie rien. Seulement par la parole de Dieu, nous pouvons vaincre Satan. Amen. Et maintenant il continue, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. Il nous a engendrés selon sa volonté. Amen. Par la parole de vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Alléluia. Amen. Voilà comment nous sommes venus. Par le lien de Dieu. Par nos parents. Et par notre mère. Quand notre mère nous a vus. Maître. Il y avait le cordon ombilical qui nous liait à notre mère. L'aide accoucheuse qui était tout près de mère, elle a pris le ciseau ou la lame de rasoir, il a coupé le cordon. C'est ce jour-là où le cordon ombilical qui nous liait à notre mère était séparé. Mais c'était seulement une séparation physique. Amen. Mais nous avions tout récit de notre mère à partir du ventre et à partir de la semence que notre père a déposée dans la matrice de la maman. La séparation physique du cordon ombilical ne nous a pas séparés de nos parents. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Vous comprendrez là où je vais. Et maintenant, l'apôtre dit, chasse-le, vous, chasse-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme. Que tout homme soit prompt à écouter. La première chose, soyez prompt à écouter. Amen. Amen. Pour écouter, la Bible nous demande d'être prompt. Puisque la foi vient de ce que l'on attend. Et ce que l'on attend de la parole de Dieu. C'est bon d'écouter. Mais l'homme qui est prompt à écouter. Amen. Amen. Il doit être lent à parler. Ce n'est pas puisque Dieu te demande d'être prompt à écouter. Que maintenant aussi tu dois être prompt à parler. Mais tu dois être lent à parler. Amen. Amen. Lent à se mettre en colère. Lent à se mettre en colère. Retenez les trois choses. Prompt à écouter. Lent à parler. Lent à se mettre en colère. Ce que tu as écouté, tu peux l'avoir mal écouté. On peut aussi écouter sans bien comprendre. Amen. Amen. Je rentre à ça. On peut bien écouter, mais on n'a pas bien compris ce que tu as écouté. Et c'est là où nous commettons les erreurs. Par les liens naturels, Dieu nous a conçus ainsi. Parmi nous, il y a des personnes colériques. Amen. Amen. Là où tu es là. Là où tu es mon frère, moi ici où vous me voyez, parmi les ministres là, il y a des personnes colériques. Parmi nous ici, il y a des personnes flegmes. Faible volonté. Faible. Le flegme, c'est une personne à faible volonté. Iko na nia zaifu. Mwenye kuwa na nia ya uzaifu. Iso isi. Beko hapa. E iso dio de la chaîne. Na beko nata kumimbari. E iso da la Bible. Na beko na mubiblia. Dieu nous a conçus. Mungu alitutunga. Que parmi nous ici. Ya kwamba katikati yetu hapa. Il y a des personnes sanguins. Kuku bantu bakuchamuka. Amen. Amen. Des personnes autoritaires. Bantu benye kuwa na mamlaka. Ou des personnes à forte personnalité. Bantu benye kuwa na mamlaka. Bantu benye kuwa na mamlaka. Amen. Amen. Parmi nous ici, il y a des personnes qui sont ici du haut de la chaîne. Na hata kumimbari, des personnes mélancoliques. Bantu bakununguka nungunika. Amen. Amen. Ce sont des personnes ni bantu bale qui intériorisent les choses. Bale bakutungia bitu ndani. Amen. Amen. On pourra en parler en détail. Au fur et à mesure qu'on évolue. Mkuendelea na mahubiri. Et ces gens sont ici. Na bantu bote biko katikati yetu. Et chacun de nous a un tempérament. Na kila mmoja wetu kuna hali yake. Et Dieu l'a créé ainsi. Na Mungu alimuumba mwile namuna. Maintenant ce n'est pas plus que Dieu t'a créé ainsi. Tata, aina ndio Mungu alikuumba mwile namuna. Que tu dois te laisser être emporté par n'importe quel vent. Ndio unaweza kujiachilia, unaanza kujiachilia kubebwa na mpepo yoyote. Dieu t'a créé ainsi. Mungu alikuumba mwile namuna. Mais le même Dieu. Lakini ule Mungu moya moya. T'a choisi parmi tant d'autres gens. Alikuchagua katikati ya watu wengine. Et il s'est révélé à toi. Akajifunua kwako. Amen. Amen. Pour que là où tu es imparfait. Ndio pale wewe uko wakutokuwa kamilifu. Que par le moyen du salut. Kupitia ndia wokovu. Par Jésus Christ. Kupitia Yesu Kristo. Dieu puisse parfait ce que ton père et ta mère n'ont pas réussi à faire. Mungu apate kukamilisha kile babako na mamako hawakuwezi kufanya. Unu moi je suis colérique. Oh, minu, vous me connaissez. Vous êtes comme cela. Non. Là, ce sont les païens qui peuvent le dire. Bale, ni wa, pagano, jona, kusema, mwile, na, muna. Toi, oui, tu as reçu la pleine rédemption. Ulipokea ukombozi ya utele. Tu as reçu le parfait. Ulipokea ule mkamilifu. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Lui n'est pas venu par les liens de père et de mère. Il a été engendré par la parole. Amen. Amen. Adam n'est pas passé par les liens de père et de mère. Adam wakupite mkupatana kwa baba na mama pana. C'est Eve par la désobéissance qui a brisé ce plan-là. Ni awa kwa kutokuti jo alivunje le mapu. Et l'homme était vendu à lui. Na mutu alizisha kwake. Et l'homme était dit n'importe quoi. Na mutu alikuwa vitu tu vya ovyo. Dieu dans son amour. Lakini Mungu katika upendo wake. Il a prévu un plan de, qu'on appelle le plan de rédemption. C'était le secours de Dieu à l'homme. Mungu katangulia kutayarisha mapu ya wokovu. Ndio ilikuwa msaada ya Mungu. C'était l'amour de Dieu envers le pécheur. Ilikuwa upendo ya Mungu kwa mtenda dhambi. Alléluia. Amen. Dieu ne voulait pas que l'homme reste comme Satan l'a voulu. Dieu voulait que l'homme puisse retrouver sa position selon sa volonté parfaite du début. Et cela, ton père et ta mère et la religion ne peuvent pas t'aider. Et cela même la bonne doctrine ne peut pas t'aider. Seul Jésus-Christ homme peut faire cela. Avant de recevoir toutes les grandes connaissances, de recevoir toutes les grandes révélations, supplier à Dieu de se révéler à toi en te révélant le Sauveur. Alléluia. Amen. Le Sauveur. Mokozi. Recevoir le salut. C'est la chose la plus essentielle. Est-ce que l'église est avec toi? Tu peux être dans l'ensemble avec une grande connaissance. Mais si ta vie est vide de Jésus-Christ, cette connaissance ne te servira à rien. Puisque elle n'a servi à rien à Satan. Amen. Amen. Et maintenant, Nasasa, voilà comment les choses sont. Et l'apôtre Jacques continue. Il dit maintenant, Sasa, il dit, car Kwani, la colère de l'homme, kasirani ya mutu, l'homme, mutu, il a sa colère à lui. Eko na kasirani yake yeye. Dieu, Mungu, il a aussi une colère. Na eko na kasirani yake. Amen. Amen. Vous êtes là-bas. Muko apa? Sachant que nous servons un Dieu qui est lent et riche en bonté. Tujua kwamba tukutumikia Mungu mwenye kuwa mtajiri sana murehema. La Bible nous le dit même. Biblia inatuonesha hayo. Écoutez ce qui est écrit dans Genèse Exode 34. Mfuate na kusoma ile tu kuandika Mungu kutoka sura ya 32 na 4 mstari 6. Et l'Éternel passa près de lui. No amilele kapita karibu naye. Et s'écria. Na kalalamika. L'Éternel. Wa milele. L'Éternel. Wa milele. Dieu miséricordieux. Mungu wa rehema. Et compatissant. Na wa huruma. Là à la colère. Ule asio ana mwepesi kusirika. Riche en bonté. Mutajiri katika wema. Et en vitalité. Na uwezo. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité. La rébellion et les péchés. Est-ce que vous suivez ces mots-là? Alléluia. Amen. Mais qui ne tient point de coupable pour innocent. Lakini ula shibibaki mkotefu wa kwamba ana anakosa. Et qui finit l'iniquité de père sur les enfants. Na mwenye kuapiza uovu ya baba. Et sur les enfants des enfants. Na yule batoto wangana. Jusqu'à la troisième. Et à la quatrième génération. Hata ufika mkizazi kia tatu na kia ine. Que le Seigneur soit béni. Bwana Mungu abarikiwe. Là où vous êtes là. Pale mwiko mwisho ikala. Nous tous ici. Shibo tapa. Dieu nous connaît. Mungu anatujua. Dieu sait de quoi tu es. Mungu anajua kile, Mungu anajua kile wewe unawezi kufanya. Et il sait de quoi tu es incapable. Na anajua ni nini hauwezi kufanya. Mais il ne peut pas te justifier toi ma sœur. Lakini Mungu hawezi kuhesabia haki wewe dada yangu. Au moment où il t'a déjà donné sa parole. Wakati ile atakupa neno lake. La parole de Dieu, neno la Mungu, c'est la puissance de Dieu. Ni uwezo ya Mungu. C'est le pouvoir de Dieu. Nguvu ya Mungu. C'est Dieu lui-même. Ni Mungu yeye mwenyewe. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous m'entendez? Quand tu as la parole, wakati uko na neno, tu as Dieu. Uko na Mungu. Quand tu as la parole, wakati kuna neno, tu as la vie de Dieu. Uko na uzima ya Mungu. Quand tu as la parole, wakati kuna neno, tu as le remède contre les vices hérités par papa et maman. Uko na dawa ya kutunza ubaya wote bila urithi kwa baba na mama. C'est là où les chrétiens faillissent. Ndio pale wa Kristo bwana nguvu. Nous n'avons pas notre force. Hatuna la nguvu yetu sie. La force que nous utilisons. Nguvu ile tunatumia. Pour combattre Satan. C'est la parole de Dieu. Neno la Mungu. Si tu prends cette parole, ukibeba ineno, tu la montres à Dieu. Tu dis Seigneur, ça c'est ta vérité. Inu, kweli et ça c'est ta parole. Na ini neno lako. Me méthode à moi. Sasa, namna kutenda, sont bâtis sur l'échec. Inajengwa yula kushindwa, je laisse mes méthodes à moi. Je prends ta parole. Neno lako. Maintenant Seigneur, sasa, buwana, crée le vouloir et le faire umba, à moi. Ndani mwangu kutenda, pour que cette parole ineno, soit réellement ce que tu veux. Iwa, akika ilo unapenda, je le veux Seigneur. Naipenda vile buwana. Si tu le veux, ukaipenda, le Seigneur ne dira Bwana atasema pana. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Bwana Mungu asifiwe. Si vous lisez même dans le livre de Néhémie, mukisema hata mkitabu ya Nehemia, vous verrez qu'il dit la même chose. Utaona kwamba anasema kitu mwa moya. Néhémie aussi dit la même Néhémie chose. Néhémie anasema mambo mwa moya. Écoutez ce que Néhémie dit. Mfuate, Néhémie 9, le verset 17. Néhémie 9, mstari 17. Ils refusèrent d'obéir. Wakakatala kutii. Du temps de Néhémie, le peuple était toujours désobéissant. Taifa ilikuwa paka ya kutokutii. Du temps de Moïse, wakati ya Musa, le peuple était toujours désobéissant. Watu walikuwa paka kukosa kutii. Et au temps na mwakati de William Marion Branham, le peuple qui a reçu la parole, watu walipokea neno, nous observons toujours cela aussi. Tukunaona paka kutokutii. La rébellion, utombozi. Amen. Amen. Ça c'est dans les gènes de l'homme. Iko muhali ya bumuntu. Ça c'est dans le sang, la chair et le sang. Ya mutu. Et retenez ceci. Na mubambe hivi mshike. Nous avons déjà reçu le salut total de nos âmes. Tulitapokea okovu ya kuendelea na njoo manafsi zetu. Mais nous n'avons pas encore reçu le salut total de notre chair. Lakini hatujapokea bado ukombozi ya mili yetu. C'est pour cela l'homme animal. Njo kwa maana mutu nyama. On l'appelle l'homme charnel. Mutu wa kimwili. L'homme sans Dieu. Mutu bila Mungu. On l'appelle homme animal. Banamuita mutu nyama. Il a le même reflet que l'animal. Eko na namna kutenda moyo moyo pamoja na nyama. Il peut faire tout ce que l'animal fait à sa mère. Anawezi kufanya vyote vile nyama anafanyaka kwa mama yake. Une fois il mène ses instincts seulement en contact avec sa faiblesse. Il fait ce qui est impensable. Wakati tu anaweza kuingia mudhaifu yake, anaweza kupata vitu anaweza kufikiria anaweza kufanya. Mais la même personne là. Lakini ule mutu moyo moyo. Unamene. Ukamubeba. Unakonektea Christ. Unamkongoleka na Kristo. Unamweka kuneno la Mungu. On coupe le cordon ombilical là. Wanakata kile kitofu. Kila hérité de ce père. Kila hérité kwa wazazi yake. On connecte à Jésus-Christ. Banamuunganisha na Yesu Kristo. Il commence à agir comme Dieu. Anaanza sasa kutenda kama Mungu. Amen. Amen. Il commence à vaincre les choses dont il était incapable de vaincre sans Christ. Anaanza kuweza sasa bintu bila kuwezi kuweza wakati alikuwa bila Kristo. Enemidi. Na Nehemia anasema, ils refusèrent d'obéir. Wakakatala kutii. Et ils mirent en oubli les merveilles que tu as faites à leur faveur. Na wakasawa madamani yote ilifanya mfaida yabo. Ils redirent leur coup. Wakafanya mashingo yabo kwa nguvu. Et dans leur rébellion, na katika utombozi yabo, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur serviteur. Wakajiwekea chef ujui papate Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. Alléluia. Amen. Prenez cela aussi comme arme. Notre Dieu, il est prêt à pardonner. Alléluia. Amen. Si tu reconnais tes torts, tu reconnais tes failles. Alléluia. Amen. Et que tu cries à Dieu, il est prêt à te pardonner. Et il dit, compatissant. Ah, bien traduit. Compatissant. Mungu wetu. Notre Dieu. Ni wa huruma. C'est un Dieu compatissant. Mungu wetu haiko muwaji. Notre Dieu n'est pas un meurtrier. Mungu wetu hakuwake na sila na sema. Non. Notre Dieu n'est pas rancunier. Buluma mwake unavuka hata kisirani yake. Même apprivoise même sa colère. Na sana kutusirikiaka kuna kaka sababu. Chaque fois qu'elle s'énerve contre, s'irrite contre nous, donc il y a une raison. Mungu atusirikiaka tu kusirika. Dieu ne peut pas s'irriter comme ça sans raison. Ni wakati tulishapitisha kipimo. C'est lorsque nous avons dépassé les bornes. Anakurudisha. Il te retourne, tu ne l'écoutes pas, il te ramène, tu n'es pas docile, il te ramène, tu n'es pas docile, il te pardonne, il te dit non, il ne faut pas faire ça, il te dit ce que tu dois faire. Alors sa compassion est si immense. Amen. Amen. Nous devons savoir cela. Et les croire. Na kuyamini. Et le même Dieu là. Na ule Mungu moya moya. Qui nous a sauvés. Ule alitokoa. Il n'est pas venu vivre dans ce tabernacle fait de pierre. Asikuwa kuishi mimi makutano ni kufanya na matafari na mabanga. C'est nous qui l'est écrit. Ifata vile kwenye kuandikwa. Sachez que vos corps. Mjua kwamba mili zenu. Sont les temples du Saint-Esprit. Maekalu ya Roho Mtakatifu. Dieu Mungu veut vivre dans votre cœur. Anapenda kuishi mumoyo yenu. Et en vivant dans ton cœur. Na mkuishi mumoyo wako. On va voir la bonté. Tutaona wema. On va voir la miséricorde. Tutaona rehema. On va voir le pardon. Tutaona usama. Alléluia. Amen. On va voir la nature de Dieu. Tutaona asili ya Mungu ndani yako. Puisque tu es le tabernacle du Dieu vivant. Uoko maskani ya Mungu mwenye kwa hai. Si on veut voir une église pleine de compassion, kupenda kuona kanisa nyikujana huruma, c'est celle-ci qui est à Kambove. Ni hii yenye kupatikana mkambove. Si on veut voir une église qui pardonne, kupenda kuona kanisa nyikusamehe, c'est cette église qui est à Kambove. Ni hii kanisa nyikupatikana mmoja Kambove. Si on veut voir une église miséricordieuse, kupenda kuona kanisa ya rehema, c'est cette église qui est à Kambove. Ni hii kanisa nyikupatikana mmoja Kambove. Est-ce que vous êtes avec moi? Et tu pamoja? Maintenant. Sasa. Il dit, tu es un Dieu qui est prêt à pardonner. Compatissant et miséricordieux. Là à la colère. Et riche en bonté. Et tu ne les abandonnas pas. Ça, Moïse ne l'a pas dit. Et tu ne les abandonnas pas. Ma soeur. Dada yangu, mon frère. Yangu, Dieu ne peut pas nous abandonner. Mungu, awezi kutuatilia. Ne croyez cela. Mwamini ile. Amen. Amen. Même si ton père et ta mère t'abandonnent. Hata kama baba yako na mama yako wanakuacha. Même si l'église te lâche. Hata kama kanisa nakuachilia. Dieu ne t'abandonnera jamais. Mungu hatakuachilia kamwe. Il nous comprend mieux. Eko na tusikia mzuri. Plus que ceux qui nous entourent. Kuliko wale wanatuzunguka. Maintenant. Sasa. L'apôtre Jacques Yacobo, nous parle de cela. Anatonesha imanem. Et il nous montre comment les choses doivent marcher. Alléluia. Amen. Il dit, anasema, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi kwa mana, rejetant tout suyé et tout excès de malice. Na bujanja yote, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Neno ile lipandiwa ndani mwenu. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu misikukuye évangéliser la ville de Kambove. Kuhubiri mji wa Kambove. évangéliser. Puisque Kambove est déjà évangélisé par les hommes de Dieu. Je ne suis pas venu enseigner à Kambove la sainte doctrine apostolique. Kambove est déjà bien enseigné dans la sainte doctrine apostolique. Alléluia. Amen. Mais je suis venu édifier. Si ce qui a été bien construit était rappelé, c'est la colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Et te dire que la colère a fait rater beaucoup de grands hommes la promesse. Des prophètes, des apôtres, des docteurs, des juges, des rois, alléluia, amen, des chrétiens, Christu, des pasteurs, pastori, beaucoup ont raté. Ba mingi balikosa. Ne sous-estimez pas cette histoire. Mushisule imambo. Ceci te concerne et me concerne. Hii mambo na kuangalia wewe na nyangalia na mie. Amen. Amen. Je ne suis pas venu pour prêcher, pour amener les gens à être baptisés. C'est bon de le faire. Mais Jésus dit à Pierre, quand tu seras converti, quand tu seras converti, quand tu seras converti, amen, affermis tes frères. Amen. Amen. Ça sont des exposés pour t'affermir dans les choses que tu as reconnues comme vraies. Bientôt le Seigneur va venir. Mais il va te trouver dans quel état? Amen. Amen. Choraliste. Bientôt Jésus vient. Jésus-Christ en a couru. Merci puisque tu t'es consacré de chanter à sa gloire. Absente du lidito à Kuimba. C'est ministère. Lié au ministère de Ephésiens 4. Il est congani sur ma Uduma et au Ephésiens 4. Mais si Jésus arrive, la qui n'est comme hier, c'est dans quel état te trouveras-tu? Amen. Amen. Prédicateur, Mubiri. Si Jésus-Christ venait aujourd'hui, dans quel état te trouveras-tu? Si tu es du haut de la chair, la colère de l'homme. Aujourd'hui on se plaint. Leo, où est partie la parole qui touchait le cœur? Où sont parties les larmes? Mal qui coulait après la prédication? Où est partie l'obéissance? Où est partie l'action du Saint-Esprit? Où sont parties l'opération, les différentes manifestations de l'Esprit dans l'Église? Où est partie cet amour fraternel qui caractérisait et qui a accompagner ce message? Chacun qui est sincère et qui est honnête envers lui et en Dieu et sa parole, c'est que quelque chose ne marche pas. Si tu le reconnais, Dieu te restituera. Mais si tu fais un semblant comme si tout va bien, non, c'est toujours comme ça, tu n'auras rien. Amen. Amen. Il dit. Akasem. Il est déjà temps. Il dit. Anasem. Il dit cela. Anasem ville. Il dit maintenant. Anasem sasa. Qui a été planté à vous et qui peut sauver vos âmes. Il est pendu en dani mweru na inawezi kokoa manafsi zenu. Alléluia. Amen. Il dit, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qui il est. Pale pale vile eko. C'est ce qui réellement beaucoup de frères et de sœurs et de prédicateurs. Oh, c'était la parole. Oh, notre pasteur nous a enseigné le septante semaine de Daniel. Oh, c'était l'homme vraiment que Dieu a donné des capacités. Oh, vraiment, ça on ne peut pas avoir ça dans les dénominations. Ah, vraiment, je dois rester toujours dans les tabernacles. Mais regardez sa vie. Regardez son comportement. Il se fâche comme le diable. Ecco la chirica sa chétani. Que Dieu nous aide à comprendre. Mungu atusaidie tupate kuelewa. Quand nous lisons dans l'épître, dans le livre des Proverbes. Wakati tunasoma mezali. Nous lisons ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Proverbe 17. Et le verset 27. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui retient ses paroles. Celui qui retient ses paroles. Ah, Anajouiza. Amen. Amen. Qui est là? Kula à parler. Ah, connaît la science. Anajua elimu akili. Et celui qui a l'esprit calme na mwenye kuwa na roho ya utulivu est un homme intelligent. Ni mtu wa akili. L'insensé même mpumbavu mwenyewe quand il s'était wakati anyamaza kimya passe pour un sage. Iko napita kwa anaonekana kwa mtu wa hekima. Alléluia. Amen. Ndio. C'est une vertu. Ni uwezo. De savoir se contenir. Ya kujua kujishika, kujizuiza. C'est une vertu. Ni uwezo. De savoir retenir ce que tu veux faire sortir. Kujizuiza, kusema, kutosha kile unapenda kusema. C'est une grâce de Dieu. Ni neema ya Mungu. Amen. Amen. Même l'insensé. Hata mtu mpumbafu. S'il se fait, il passe comme un message. Pourquoi? La Bible nous veut nous instruire. La valeur de parler paix. Wala maana ya kusema de savoir retenir sa langue. Ya kuya kuchunga, kufunga, kuchunga kwa ulimi yako. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout ce qui t'arrive que tu tout ce que tu as écouté là, maintenant toi aussi, moi aussi. Aïna, d'où vient le fait de m'expliquer? Priez que Dieu te donne la vertu divine par le Saint-Esprit au moyen de la parole, la retenir. C'est l'une des fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit. On ne le demande pas à quelqu'un qu'on a baptisé hier. Le fruit de l'esprit. On ne le demande pas à quelqu'un qui est dans les fausses doctrines. Le fruit de l'esprit. On le demande à ceux qui sont dans la saine doctrine. Amen. Amen. Amen. Amen. Le miracle Mujiza. Peut être dans la fausse doctrine. D'ailleurs, elles sont nombreuses là-bas. Pour séduire les gens. Mais le fruit de l'esprit sont portés par les détenteurs de la parole de vérité. Uniquement. Amen. Amen. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Alléluia. Amen. Une femme Mwanamuke mariée wando qu'elle s'approprie de cette écriture. Abebe yandiku ipate kwa yake. Alléluia. Amen. Qu'elle dit au Seigneur. Aseme na Bwana. Révèle-moi cette parole. Unifulie personnifie cette parole à moi. Ufanye inene ipate kwa mtu wangu. Seigneur. Na ibebe na kwa yangu. Qu'elle soit esprit et vie à moi. Ufanye ipate kwa roho na uzima ndani mwangu. Tu vas garder ton foyer. Utachunga ndoa yako. Et tu seras toujours heureuse. Na utakuwa kila mara dada wa yeye. Et ton mari témoignera devant l'ensemble des saints. Atakushuhudia mbele ya kusanyiko la wenye hekima. Amen. Amen. Dans Ecclésias chapitre 5. Mhubiri sura 7. Nous lisons ce qui suit. Tunasoma imefuata. Il faut que le diacre, quand l'heure est arrivé là, qu'il me dise, j'ai encore 10 jours ici. Il n'a pas acheté à Shemashi, comme ça il n'est pas allé. Je ne sais plus à quelle heure. Ecclésias 5.1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Alléluia. Amen. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Le cœur de l'homme est séducteur. Oh, cher ancien. Oh, mzee. Je vais soutenir l'église avec 100 sacs. Tu parles, vous parlez. Toi, tu penses que tu as parlé à qui? Tu as parlé devant un homme de Dieu. C'est devant Dieu que tu as prononcé cette parole. Tu te pièges. Aussi longtemps que tu n'as pas, tu n'as pas. Et ça sera un péché. C'est sorti de ta bouche. Il est comme kinyo yako. Est-ce que vous êtes avec moi? Et tu m'as nifata. Amen. Amen. La colère de l'homme n'a compris pas la justice. Amen. Amen. Mmh. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que, ta par, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Kanisa la Kambof. Église Kambof. Mutu manyana semaka maneno madogo. Celui qui parle peu, on ne le trouve pas dans des fautes. Ah oui, tu ne peux pas le trouver, le provoquer. Où est-ce que tu peux le trouver? Amen. Amen. Et dans Matthieu chapitre 5, nous lisons ce qui suit. Amen. Amen. Matthieu chapitre 5, au verset 22. Mais moi, lakini, je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Alléluia. Amen. N'oublie pas, celui qui parle ici, ce n'est pas Josué, ce n'est pas Jérémie, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Branham. Puisque Jérémie, Branham, Paul avait les ainsi dit le Seigneur. Mais Jésus-Christ disait, en vérité, je vous l'ai dit. Quand il te dit une chose, c'est la vérité. Amen. Amen. Voici une vérité. Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Et celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Alléluia. Amen. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Amen. Oh non, non, c'était seulement pour plaisanter. Il est écrit qu'il n'y ait pas de plaisanterie au milieu de nous. Puisque nous, nous sommes instruits que ce qui sort du cœur, ce qui sort de, la, de tes lèvres, vient de la profondeur de ton cœur. C'est pour cela, réfléchissez avec la parole. Qu'un ivrogne ne vient pas t'injurier. Et le lendemain, il te dit, j'étais ivre. Ce n'est pas l'ivrognerie qui a parlé. C'est le cœur. Il gardait ses choses dans le cœur. Il en a profité pour, par l'ivrognerie, faire sortir ce qui est dans le cœur. Alléluia. Amen. Que dit Frère Branham? Pour les quelques minutes qui nous restent. On va y aller méthodiquement et vous allez prier. Na tutaenda polepole na mtenyombe. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Il a dit. Alisema. Donc il parle de Jésus. Non, c'est pas joyeux. Mais moi, lakini mie, je vous dis, na nyonesha, que quiconque se met en colère ya mesirika, contre son frère, anashirikia ndugu yake, sans raison, bila sababu, que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Quand Frère Branham y ajoute sans raison. Wakati ndugu Branham anaongeza kusema bila sababu. C'est parce qu'il y a une autre écriture qui montre qu'on peut se mettre en colère. Ni njuku kwa ndiko wengine inaonesha kusema tunawezi kusirika. But chaque fois sans raison. Wewe kila mara bila sababu paka nsula kufunga. Sans raison. Bila sababu. On vient chez toi. Para kwa kwako sula para kufunga. Hapana. Jésus a résolu ses problèmes. Yesu alimaliza ile mambo. Alléluia. Amen. Nous étions des fils de la colère. Tulikuwa kama watoto wa kasirani. Mais par Jésus-Christ. Lakini kupitia Yesu Kristo. Il a détruit ce qui nous mettait en colère. Mungu akaribu ile nazo tuweka mbishilani. Nous avons la paix. Tuko na amani. Nous avons la joie. Tuko na furaha. Nous avons le bonheur. Tuko na raha. Nous avons le salut. Tuko na wokovu. Nous sommes affranchis. Tunatiwa huru. C'est Christ qui vit en nous. Ni Kristo ndiye anaishi ndani mwetu. Alléluia. Amen. Ce n'est plus moi qui vis. Aina tena mimi unaishi. Lakini ni Kristo mwenye kuishi ndani mwangu. Yana atmosphere. Kuna kwa dalili ya mzuri. Dalili ya Kristo na kushindikiza. Ma soeur, dada yangu, toujours tu es fidèle. Wakati kupaka wabishilani wasula kufika fu, paka wabishilani wakushirika. Que ton mari vienne avec un sachet. Bwana wako akwenda na sachet. Qu'il vienne avec les mains vides. Akuye mikono bure. Qu'il vienne avec ton cadeau. Akuye na zawadi ya kupatia yako. Qu'il vienne avec son pain. Akuye na baba yake. Qu'il vienne avec ton pain. Akuye na baba yako. Huko paka wasula kufunga. Paka wasula kufunga. Tu n'as pas été délivré de l'égoïsme. Au kukombolewa kuchoyo. Tu n'as pas été délivré de la cupidité. Au kukombolewa kutamaa ya franga. Tu n'as pas été délivré de l'esprit avare. Au kombole na ile roho kujipendelea ni vitu vile vinaanza kutusindikata wakati tunataka kuona na bantu kuya kufurahiwa kuna vile vile mtu Mungu alitupatia. Est-ce que vous êtes en vous? Et vous n'allez pas. Il y a des éléments déclencheurs de la colère. Kuko bintu mimi na lamusaka kasirani. Je vais y retourner, on va couper. Tarudi ya kule na tutashimamisha. Quiconque se met en colère contre son frère yake, sans raison bila sababu, a déjà tué. Alisha uwa. Quiconque yeyote, prédicateur, mubiri, pasteur, pastori, diacre, shemashi, évangéliste, mubiri, celui qui parle la langue, mwenye kusema muluga, celui qui chante, mwenye kuimba, celui qui est diacre, mwenye kwa shemashi, quiconque yeyote, se met en colère alashirika, contre son frère yake, sans raison bila sababu, a déjà péché. Alisha tena zambi, et il a tué. Na anaua. Oh Seigneur, oh Bwana, aide nos frères Baïziri à l'est. Saidia bantu wetu Baïziri kule. Il y a des tueurs là-bas. Kuna uwaji, kule. Mais tu es en train de tuer aussi ça les amis. Sina wako naua bila kujua. Amen. Amen. Il continue dit. Anaendelea kusema hivi. Dès que wakati tu vous manifestez l'un de ces petits excès de colère. Unaonesha kwa tu hii hali ya bishirani bila kupitisha. La colombe s'envole. Njiwa analuka naenda. Amen. Amen. Oh, le Saint-Esprit, on le voit plus à l'église. On ne voit pas la force de Dieu dans l'église. La force de Dieu ne descend pas dans une maison. La force de Dieu descend dans les hommes. Ces gens qui ont été sauvés, c'est sur eux que Dieu vient faire maintenant l'œuvre. Maintenant, si c'est toi cet instrument-là, tout le temps tu es toujours furieux, tout le temps furieux. Alors le Saint-Esprit s'envole et s'en va. Et tu fais à ce que la force de Dieu ne puisse pas se manifester dans ta vie. La colère, Kasirani, Iko Katikati, Abisu, Bile, Bikuna Fukuza Tendo. Et l'agrégation du Saint-Esprit dans ta vie. Kubaliwa kwa Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako. Oh non, ce sont les prédicateurs. Oh, ni wahubiri. No! Hapana. Nous avons déjà la parole. Tulishapata neno. Nous avons déjà la vérité. Tulishapata ukweli. Amen. Amen. Mais quel est ton comportement? Tata mwenendo yako iko ya je? Quelle est ton attitude? Hali yako iko je? Toi qui as la parole. Wewe mwenye kuwa na neno. Kila mara paka sula kufunga. Tu vois ton pasteur? Unaona pastor wako? Je viens demander la chaire. Ori mlomba mimbari. Il me dit toujours d'attendre. Je ne sais pas kila mara oh chunga bageni bwana ubeko wako na kuya. Garde la colère. Na chunga bichilani muro. Jambo pastor. Bonjour pasteur. Alléluia. Alléluia. Mais la colère bouillonne dans ton cœur. Bichilani biko biko tokota tokota mu moyo wako. Nata kama kukupa mimbari. Ne sera pas un sujet d'édification. Au to kwa ndio pale ndio kujenga. Puisque c'est de l'abondance du cœur. Nini kwa utele wa moyo. Ndio kinyo kiko nasema. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous n'allez pas? On ne donne que ce qu'on a. Bana kupatia na kapa kilo kona kio. C'est la colère qui est pleine. Kama ni kasirani njoo ita uyala mo. Tu vas lire les versets. Utasoma misara Biblia. Utasoma misara kubrano. Utasoma mabarua kuzunguka. Lakini roho. Est troublé. Iko ya kuvurushwa. Par la colère. Na bishilani. Alléluia. Amen. Aujourd'hui. Leo hii. Nous commençons à porter des enseignements de prédication. Pour entrer dans ma fondation, ma ubiri. Uniquement pour se préparer. Pas qu'à tout jour, tu t'es arrivé. Parce que réellement Jésus est à la porte. Tu as dit qu'à quel lieu tu es comme l'ango. Tous les signes indiquent qu'il est à la porte. Malama yote ça, il a honnêté quoi, mais il est comme l'ango. Plus que jamais. Zaidi kuliko zamani. Mais s'il venait. La qui comme tu bouges. Dans quel état sérieux. Ni moali gani tutakuwa. Attention. Sopoka. Beaucoup périrent du temps de Moïse. Wengi walikufa wakati ya Musa. Ayant des choses saintes entre les mains. Benye kwa na vitu takatifu mikononi mwako. Korea. N'était pas étranger. Asikwake mugeni. Était de la famille de Lévi. Alikuwa kama mjamaa wa Lawi. Mais il était en colère. La ikuwa kwa katika kasirani. Et la colère. Na kasirani. Suscite la jalousie. Iko na lamusa bwivu. La colère. Kasirani. Suscite l'envie. Ina lamusa tamaa. La colère. Kasirani. Suscite la haine. Iko na lamusa chuki. Alléluia. Amen. Mais lakini, l'onction peut être là. Upako inaweza kuwa hapo. L'onction sera là. Upako itakuwa hapo. Mais Dieu ne va pas agréer. Lakini Mungu atakubali. Est-ce que vous êtes en train? Amen. Amen. Diacre, l'état est arrivé. C'est machi, ça est né. Bien aimé frère. Écoutez ce qu'il y a Mario Brown. Donc, but, ne vous dissipitez pas. Musibishana pana. Voyez. Mnaona? La colère engendre la colère. Kazira, citation, citation, l'endroit où on a tiré. La première citation. Il est tout somme à Kwanja. Question réponse sur la jeunesse. Maulizo na majibu yula Mwanjo. 19-7-53. Il y a le 29-7-1953. L'état est arrivé. Wakati nenea. Chemashi. Okay, thank you. Écoutez bien les effets. Musikilize bendwa. Munifate mzuri na munisikilize. Utilize l'application la table. Inatumia ile msemo. The voice of God. Ya neno la Mungu. Ça ne cadre pas à 100%. Unawezi kusoma msemo ndugu bwana namba yambatane kabisa kabisa. Ela analogique ne marche pas. Ju ile barisha kuandika na ile masema. Utaona fazi fulani ta bendeke abipatana hapana lakini ibya kupatana. Amen. Amen. Écoutez Marie. Alors le Saint-Esprit. Donc ne vous disputez pas. Bah, si bichane, la colère engendre la colère. Bichilane, alors le Saint-Esprit. Sasa, Rome, takatifu, iko na ruka na kwenda. Iko na ruka na kwenda. S'envole. Parole ne dit. Nelo la Mungu inaende. Il n'aime pas de disputes. Il n'aime pas de querelles. Il n'aime pas de tiraillements dans l'église. Et c'est là que nous avons brisé la puissance de Dieu dans les assemblées. On te prie seulement la chair cette année-ci. Oh, je vais montrer combien de fois j'ai le ministère. Je vais leur prouver que j'étais parmi ceux qui ont commencé cette assemblée. Tu quittes, tu t'en vas et tu commences l'église là où tu t'en vas. Oh, l'église est déjà tombée. Oh, l'église est déjà morte. Les pasteurs sont déjà morts. Oh, c'est la Babylone. C'est un langage motivé par la colère. Il n'y a rien de la parole là. Tu as manqué de produire le fruit de l'esprit. On a quoi t'attendre à Rouzouiza? Est-ce que vous me suivez? Et tu m'en as dit fata? Ça c'est dans votre vie, était le digne de l'évangile. Il m'a oublié l'instant. Et tu m'as dit ça y a quoi dans la vie? Amen. Amen. Du 36-63. Il y a le 30 juin 1963. Comme le diacre a déjà signalé, permets-moi seulement de vous lire quelque chose. Amen. Amen. Dès que vous manifestez l'un de ces petits excès de colère. Wakati tunaonesha tu hii kasirani, bishilani, kidogo. De colère. La colombe s'envole immédiatement. Laisse-moi dire même au diacre. Vous êtes des policiers. Vous gardez la discipline. Vous gardez l'ordre. Selon la doctrine. Mais ne pratiquez pas cet ordre-là dans la colère de l'homme. Non, je suis policier. Non. L'autorité que tu as. Si. Pour faire valoir la parole de Dieu. Est-ce que vous me et il faut que chaque frère, chaque soeur, dada, chaque prédicateur comprenne que le diacre, c'est l'autorité que nous lui avons donnée de la parole. N'utilisez pas ça à ce qu'on est l'homme. Il est en colère contre sa femme. Il tape. Non. Apana. La colère de l'homme n'a compris pas la justice. Waki. Tu es déjà le chef. Déjà quel bout de ou pas, quel bout vient d'adéclarer ton chef. Weye, jogo, chef yake, bibi yako. Non, coupons par là. Amen. Amen. Si je continue, on va prendre le temps. Alléluia. Amen. Dieu va nous bénir. Mungu atatubariki. Et je sais que déjà, il a déjà commencé à bénir. Alléluia. Amen. Terminons la citation là. S'envole immédiatement. Elle ne peut pas le supporter. Qui ne peut pas supporter? Le Saint-Esprit. Ma soeur. Dada yangu. Pour ce soir, Dieu mangaribi, retenez ceci. Kai, le Saint-Esprit Rome que Dieu nous a donné ne peut pas supporter la colère. Katirani, ne peut pas supporter les disputes. Frère, retenez ceci. Chungai, le Saint-Esprit qui nous a été donné ne peut pas supporter les disputes dans le foyer. Mujama, mundoa, ministre, mtumishi, retenez ceci. Mubambe, le Saint-Esprit Rome takatifu qui m'a établi dans le service, qui m'a donné la puissance, ne supporte pas les tolères jamais les coléries. Que Dieu vous bénisse. Nous remettons les cultes au président. Narudisha ibada kwa mungozi. Alléluia. Ibada. Amen. Que le Seigneur soit avec l'esprit de chacun. Bwana Mungu awe na roho ya kila mmoja wenu.